écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est actuellement 22h et quelques minutes. Nuisance bat son plein depuis 1h et quart. Dû à l'absence de Fun Jazz to Jazz, à qui Nuisance rend hommage ce soir en produisant de la grande et belle musique, car Fun Jazz to Jazz, comme tout le monde le sait, je ne dis pas. Je n'ai rien dit. Je ne dirai jamais rien. Car Nuisance, c'est l'émission qui est née au sens, justement, l'émission de toutes les nuisances. Et on ne dit jamais rien ici à Nuisance.